listening to Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, le groupe Pain de Peter Tadgren avec Dancing with the Dead. C'était parti déjà en 2004, il y a 19 ans. 19 ans, le temps passe vite. Et on annonce le concert du groupe qui aura lieu La Rayonne, ce sera anciennement le CCO de Villeurbanne et ça aura lieu le dimanche 22 décembre. Pain à Lyon, il me semble qu'il joue en compagnie de NC Ferrum. Pain, NC Ferrum, Elaine, ce sera le dimanche 22 octobre à La Rayonne, bien sûr, proche du CCO, de l'ancien CCO de Villeurbanne. Donc restez bien sur le 895 de Radio Dio. On aura de l'excellente musique, des annonces concerts, des également nouveautés avec du heavy metal pur et dur. Primal Fear, extrait de son dernier album Code Red, qui vient de voir le jour sur Atomic Fire Music. Ralph Steepers et ses potes sont toujours des fervents adeptes du heavy metal traditionnel, comme ils le prouvent sur ce morceau Cancel Culture tout de suite. Vous écoutez toujours Overdrive Radio. Yes, vous venez d'entendre Freedom Call avec son dernier album Live et le morceau Sail Away pour tous les fans tout simplement Power Metal, Speed Metal Mélodique comme on l'appelait à la fin des années 90, début des années 2000, l'époque où ce style était très à la mode. J'espère que tout le monde est bien dans son rocking chair, soit devant le match de rugby, ou tout simplement en train de bouquiner un bon magazine métal comme Metalian ou Rock Hard Magazine et se fait tout simplement plaisir. Tout comme Doro Pesh qui reprend ici un bon vieux classique de Judas Priest sur son dernier album. Pourquoi on ne s'écouterait pas ça maintenant sur Overdrive Radio Dio, Doro avec Living After Midnight. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Dio. Till the morning that gone, I'm gone. Yes, Toro, Living After Midnight, avec bien entendu ce bon vieux Rob Halford en invité. 21h passée de 55 minutes sur Overdrive Radio Duo. Udo Dirk Schneider a sorti la semaine dernière, ou deux semaines, son dernier album Touchdown sur Atomic Fire Music. Un très bon album qui confirme vraiment, qui arrive à confirmer la solidité du line-up actuel de Udo, puisqu'on retrouve son fils Sven Dirk Schneider à la batterie, le vétéran également Peter Baltes à la basse, et la paire de guitaristes Andrei Smirnov et Dee Dimers qui font vraiment un super boulot sur cet album. Peter Baltes, donc, bien entendu, était dans Accept, mais revient avec son vieux pote de chanteur Udo. Ils nous sortent là un bon album qui, même s'il n'a pas vraiment une grande originalité en soi, reste un très bon album de heavy metal pur et dur et assez rafraîchissant. Ce sera Forever Free, tout de suite par Udo. I want to live my life not in flow. Yes, Udo Dirk Schneider avec Touchdown, son dernier album en date, toujours sur Overdrive, Radio Dew, 22h, passé de 1 minute maintenant. On va passer au français de Sleazy's. On avait parlé pour leur dernier album. Ils nous sortent ce Glitter Ghouls from Hell, une musique assez hard, heavy rock'n'roll avec un gros son et une imagerie empruntée à un certain Rob Zombie ou alors Lordi, bref, très basé sur les films d'horreur de série B. Ça donne un mélange assez détonnant et catchy, comme ce soir sur ce morceau Down, qu'on envoie tout de suite par Sleazy's. Yes, vous le savez, en ce moment, du côté du Motocultor, on a eu la chance avec la Ferrarock d'organiser un camion radio, l'occasion rêvée pour Overdrive de poser des questions à une série d'artistes illustre. C'est le cas de Stéphane Buriez et de ses potes qui viennent monter le Tribute Band Tribute to Thrash, dans lequel il reprend les classiques du thrash des années 80 et certains deep cuts également de derrière les fagots. On s'envoie tout de suite l'interview réalisée lors du Motocultor 2023 après un show absolument dantesque dans lequel les instruments ont littéralement volé. On célèbre le thrash avec Tribute to Thrash, groupe hommage dans lequel on retrouve Steph Buriez de Loud Blast, Alex Colin Token d'Agressor, Niklas Bergen également, ancien Niklas, ADX. Niklas. Et Fabien de Thrashback. Donc comment ça va les gars? Vous venez juste de sortir de scène sur le Motocultor Festival. Eh bien ça va super bien parce que c'était notre vrai premier concert avec une setlist. Enfin, on avait fait le tribute à Metallica au Bataclan, mais voilà, on a fait deux morceaux de Metallica. On a ensuite fait une autre date, mais à trois, parce que Niklas n'était pas là. Là, c'était vraiment notre première date, un peu de test aussi, parce qu'on l'a préparé. Et c'était un peu le test de la complète. Le test de la complète. Et enfin, on est très contents. Et puis, je pense que. Vu les retours qu'on a juste en sortant de scène, je pense qu'on a fait le job. Exactement. Alors, petit point insolite, Steph, tu te retrouves ici à la basse plutôt qu'à la guitare, comme dans tes autres formations. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce choix? La fainéantise, sans doute. non, mais en fait, le fait est que j'ai toujours été... Et un batteur frustré, et un bassiste frustré aussi. Et quand on a décidé de monter ce projet, j'étais juste au champ. Et puis, en tant que, tu sais, être frontman et faire de la basse, c'est vachement plus facile pour moi que d'être frontman et guitariste et soliste, ce que j'ai fait toute ma vie. Je voulais aussi dans cette formation que ce soit me faire plaisir et qu'on se fasse tous plaisir, et je pense que c'était un petit peu le postulat de base. C'est voilà, on fait un groupe de reprises, on se fait plaisir et on veut faire plaisir aux gens et on veut pas que ce soit contraignant. Exactement, et puis la formation trash avec un bassiste chanteur, c'est quelque chose qu'on a vu à de maintes reprises, notamment dans Slayer. J'aimerais également revenir sur vos choix de reprises, puisque plutôt que d'avoir une liste de best-of des morceaux les plus connus, même si vous avez quand même réalisé Jump in the Fire aujourd'hui, on retrouve ici beaucoup de deep cuts sur la scène du Motocultor. Vous nous avez joué du Nuclear Assault, du Destruction, SOD avec United Forces également. Donc voilà, est-ce que c'était un choix voulu de vraiment choisir des deep cuts, des morceaux bien choisis, plus que, on va dire, du Hangar 18 ou ce genre de choses? C'est un peu aussi, on est tous les trois fans de trash old school, on a grandi avec ça. Et forcément, je peux te dire, quand on a commencé à faire notre liste de morceaux, En fait, on a balancé 40 morceaux, en fait, chacun de notre côté. Et quand on a partagé la liste, on s'est aperçu qu'il y avait les trois quarts qui étaient en commun, quoi. Donc, en gros, l'idée, dont c'était ces fameux deep cut, comme tu dis, tu vois, voilà. Des morceaux plus obscurs. Et donc, l'idée était vraiment de partager entre les morceaux plus obscurs et les hits. Après, faire que du hit. Et la fois, tu vois, je pense que toi, jouer un Nuclear Assault ou un Razor. Ça reste des hits. Bah ouais. Ça savait pas pour qui. Mais c'est aussi un très intéressant ce premier concert, parce que c'est évident, quand tu fais un Outbreak of Evil du premier Sodom, tout le monde connaît pas. Donc c'est aussi important encore une fois dans l'idée de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens, d'amener des morceaux plus on va dire plus, pas standard, mais en tout cas plus single. Donc, mais là, sur 40 minutes, on n'a pas eu le temps. On avait un Venom qu'on n'a pas eu le temps de jouer. On va rajouter un Exodus. Certainement un Forbidden aussi. Un Forbidden aussi. Calice of Blood. Ça déborde un peu, du coup. Mais voilà, après 88, on en reparlera. L'idée aussi, c'est vraiment que c'est aussi de peut-être refaire découvrir les morceaux à des mecs plus jeunes ou des morceaux qu'on n'a pas écoutés depuis 20 ans, tu vois. Exactement. Et c'est un peu ça, le on se fait plaisir et on fait attention aussi à les interpréter comme ils ont été exécutés à l'époque, tu vois. D'accord. Donc là, ça m'amène sur la question suivante, c'est la question de la fidélité aux standards originaux et des libertés qui peuvent être prises sur ces reprises. Donc comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous pourriez, par exemple, changer certains solos, créer un medley à partir d'un groupe ou quelque chose comme ça? Plutôt rester sur la fidélité, en fait. Parce qu'on a même décidé d'avoir quatre chanteurs pour pouvoir se rapprocher, en fait, de l'original. Après, on a des timbres de voix tous différents, donc forcément, bah, y a des morceaux qui sont plus faciles pour l'un que pour l'autre. Et ce qui permet en plus d'avoir quelque chose de plus original, en fait, sur le line-up, avec un tribute de trash à quatre chanteurs, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Exactement. Donc, et ça permet de ne pas renier certains groupes parce qu'on ne peut pas les chanter. Là, au moins, on est apte à faire pas mal de trucs différents, quoi. Et justement, comment est-ce que vous répartissez les voix? Est-ce que chaque, on va dire, titre a son chanteur attitré, ou est-ce que vous pourriez passer d'un couplet à un refrain? En fait, ça se fait assez naturellement, parce que, par exemple, sur un morceau comme Nuclear Assault, que moi, je ne peux pas chanter, c'est trop haut pour moi, direct, moi, j'ai dit, je le fais pas. Niklos, Alex et Fabien, eux, peuvent atteindre des notes plus aiguës, des voix de femmes. Je l'attendais, celle-là. Ouais. Par exemple, sur le Nuclear Assault, on a fait la résidence pour préparer les concerts. On a choisi aussi de on a essayé, en fait. Voilà, on a essayé, on a vu ce qui se passait le mieux au bout du compte. L'idée, c'est que l'intérêt de ce groupe aussi, c'est qu'il y a quatre chanteurs et on est capable de ratisser extrêmement large. Et c'est ce qu'on veut montrer aussi. C'est pas un groupe de. Il y a quatre. Enfin, je dirais les inconnus, il n'y a pas de leader. Il y a quatre leaders dans le groupe. Et chacun doit apporter sa couleur à l'histoire. Lorsqu'on parle de trash, on oppose souvent l'école américaine à l'école allemande. Votre répertoire aussi entre les deux scènes, comment est-ce que vous les définisseriez et en quoi elles sont différentes, justement? Alors déjà, sur les États-Unis, déjà, t'as une grosse différence ouest et est. Mmh. Déjà, tout ce qui est est, New York, on le voit avec Nuclear Assault, avec Anthrax, avec tout ça. Toujours une base un peu hardcore, en fait, dans plus punk. Dans les rythmiques, le côté mosh part, etc. Mmh. Après les Allemands, j'allais dire plus extrêmes, mais pas forcément. Enfin, je sais, ouais, tu me diras, ça dépend. Dark Angel, c'est extrême aussi. Un peu plus alcoolisé, quoi. Ouais, un peu plus bière. Mais on vient de. Enfin, les deux écoles nous ont accompagnés quand on était gamin. On est fan des deux écoles, en fait. Hein, c'est évident, comme le disait Fabien précédemment, quand on a fait la liste des morceaux, on est tombés tous sur les mêmes groupes. Tous, tu vois, et il n'était pas question de pas faire de Destruction, de Creator ou un Sodom, tu vois, et on aurait pu faire un Death Row, enfin, tu vois, en creusant un peu plus loin, mais c'est vrai que c'est Il y a une grande liste. Il y a une liste. On peut creuser encore. On prévoit aussi de faire des concerts plus longs à terme, donc là, on va pouvoir aussi aller. Faire plaisir. Déterrer des trucs. Encore plus obscurs. Ouais, enfin, tu vois, encore une fois, c'est un possest, par exemple, forcément, il y a un possest. Il y aura un possest dans le truc. Un possest, Exodus, on va pas refaire la liste, mais il y a un paquet de groupes, quoi. Également, on pourrait revenir sur les retrouvailles de Stéphane et de Alex Colin-Token. Vous aviez joué un temps dans Lord Blast. J'imagine que vous avez une tonne de souvenirs ensemble. On a grandi ensemble, hein, tu sais, on se connaît depuis qu'on a 17 ans, on a fait de la musique ensemble, on a créé une scène ensemble, notre histoire elle est liée à Vitam Aeternam, et tu vois, quand on a décidé de se monter ce projet avec Fabien et Niklos, on s'est dit, il faut un deuxième guitariste. Et on était comme des cons, on dit, mais qui on va... Trouver le guitariste trash old school. En fait, c'était juste devant nous. Tellement en fait. Devant nos yeux que finalement, on n'avait même pas capté. Mais après, on dit, mais putain, mais oui, Alex, quoi. Et voilà, l'idée, et Alex et moi, faire un groupe de reprises, c'est pas spécialement ce qu'on avait envie de faire, ou enfin, peu importe. Mais dans ce contexte-là, avec les musiciens du groupe, c'est du plaisir. C'est du travail aussi, on bosse dur pour que ça soit, pour que ce soit comme on disait, fidèle aux originaux, mais à la fois avec les contraintes qu'on s'impose aussi, pour justement que la setlist soit fluide, et que les gens, voilà, enfin là tu vois, cet après-midi là, on a vu le retour des gens, et ça, voilà, c'est exactement ça qu'il faut qu'on fasse à chaque fois. Alors, une dernière question pour aujourd'hui, Tribute to Trash. Lorsqu'on parle de trash, deux mots reviennent toujours en tête, c'est Big Four. Pouvez-vous me donner votre Big Four personnel, chacun? Seulement quatre. Seulement quatre. Ah, mais vu qu'on est plusieurs. Alors, quatre, 16, on peut en donner 16. Razor, c'est sûr pour moi. Ouais. Je dirais Metallica aussi, forcément. Mais Metallica, Razor, Slayer. Et je sais pas. Ouais. Après, c'est très dur à le quatrième, mais ouais, un groupe comme Living Death, clairement, ça fait partie de mes hits absolus, quoi. Pas compliqué. Moi, je pense que j'aurais aussi pareil, Metallica, Slayer, Exodus, forcément. Forbidden. Ah. Après, Forbidden, forcément. Ah bah, quatre, Forbidden Coroner, Forbidder, Coronen. Ouais, non, je m'arrête là, c'est bon. Moi, je dirais Metallica, forcément, Slayer, Exodus et Creator. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Encore une fois, un super concert. On a hâte de vous revoir sur une date un peu partout en France. Eh ben, ce sera à Mency, au festival de Mency le 9 septembre. Mency, 9 septembre, et ça devrait des fois. Super festival aussi à côté de Rouen, avec Destruction, Crysix, ouais. Razor. Et Razor, ouais. Exact. Ça, c'est le 21 octobre à Cléon, à côté d'Ormont. Eh ben, on vous attend devant la scène en mode headbang. Ouais, et on que les gens préparent leur visage pour réceptionner les instruments, voilà, qu'on va peut-être jeter. On va encore faire des points de futur. Merci à vous. Merci. Merci. Mike has some guitars for you guys. Come on, Mike, give us some guitars. There's one in the Bad Butcher. We'll be right back. Yes, lorsque j'écoute du thrash, j'ai toujours envie de me mettre un deuxième morceau. Ce sera le cas avec ce soir avec Creator Flag of Hate, sorti sur la tournée de l'album Coma of Soul Live. Flag of Hate, tout de suite sur Overdrive. It's time to raise the flag. Yes, Creator Flag of Hate. Encore une fois, on remercie Tribute to Trash pour le superbe moment d'interview réalisé au Motocultor Festival 2023. Ils sont demain soir sur le festival. Même si ça devrait être une superbe soirée, j'ai eu la chance de les voir. Vraiment, vous en prenez pour votre argent si vous êtes bien sûr fan de Thrash. Creator également qu'on a vu sur la scène du Silac et qui nous a offert un show absolument monumental, un cataclysme maintenant dans Overdrive sur son dernier album Goliath. Ce sera Dark Wings of Deception pour les Canadiens qui nous font du bon gros death metal. Cataclysme tout de suite, Dark Wings of Deception. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo, il est 22h passé de 30 minutes. But they still make the mistakes of men. We'll be right back. après Cataclysm, on a eu droit à Outer Heaven, ça voit le jour sur Relapse Records pour, encore une fois, du death metal. Death metal, il y en aura encore avec Ringworm qui nous sort cet album Seeing Through Fire pour du death metal, du metal extrême. Encore une fois, il y aura de ça encore pendant quelques instants dans Overdrive. Ce sera le morceau No Solace, No Quarter, No Mercy. Voilà quelque chose qui annonce la couleur tout de suite. Ringworm. Yes, Ringworm, super extrême, ce No Solace, No Quarter, No Mercy, vraiment un morceau qui ne fait pas de quartier dans Overdrive, Radio Duo. Quelque chose maintenant de français avec une teinte légèrement plus hardcore, Abyss, le nouvel album du groupe Forest in Blood, vraiment là aussi une excellente production et un morceau qui tabasse bien avec Dying Lord. Yeah! King of the Sun, King of the Sun, Queen of the Moon. C'était par le groupe Sargassos qui voit le jour sur le label finlandais King of the Sun. Et c'était le morceau Queen of the Moon pour, là aussi, du death metal, enfin plutôt du black metal. Super intéressant. On va se quitter maintenant avec Overdrive et le projet Silent Skies qui nous propose une reprise très personnelle du classique de Iron Maiden, j'ai nommé The Trooper, tout de suite par Silent Skies, ce projet dans lequel on retrouve Tom Englund de Evergrey au chant accompagné d'un piano pour une musique tout en ambiance parfaite, absolument parfaite pour conclure une émission Overdrive. On remercie encore Tribute to Trash pour l'interview et la discussion autour de mon sujet fétiche, le thrash metal. C'était vraiment super cool. Ils seront à Menessy demain soir pour le Menessy Metal Fest. Voilà, on rappelle le www.facebook.com/overdrive-radio-dio. On rappelle également le www.radiodio.org. Les podcasts des émissions sont hébergés sur la plateforme Mixcloud et archive.org. Instagram avec Overdrive Radio Dio pour retrouver encore une fois des photos de concerts, des liens d'émissions et puis bien sûr les nouvelles d'Overdrive. Voilà, il est temps de tirer ma révérence et de vous dire à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Dio pour 90 minutes de musique qui pulse. Merci, ciao, bye bye. But I run you through. So when you're waiting for your next attack, you'd better stand, there's no turning back. The bugle sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of acrid smoke and horse's breath as a plunging into certain death. Thank you. take my horns below. And I suddenly lay there gazing at the sky. My body's numb and my throat is dry. And I suddenly forgotten and alone. Without a tear, I draw my parting groan.